comment le mensonge affecte-t-il l'intimité? La preuve que le mensonge est au cœur de la vie humaine et vient en révéler une dimension fondamentale, c'est qu'il vient ébranler les relations entre les êtres humains aux deux extrêmes, pourrait-on dire, de leur exercice. D'un côté, quand il devient mensonge officiel, quand il devient propagande, le mensonge rend la vie politique impossible. C'est le rapport d'ensemble des humains aux événements qui est transformé par un mensonge qui vient remplacer la vérité ou la recherche de la vérité, au moins comme toile de fond de la vie commune. Mais d'un autre côté, à l'autre extrême, chacun et chacune sentent que le mensonge est au cœur des relations les plus individuelles, les plus personnelles, ces relations qu'on a raison d'ailleurs de dire intimes, cette intimité qui ne supporte pas ce que, depuis le début de la vie humaine, dans tous les drames, les romans, les tragédies, les films, les scènes que nous connaissons, nous appelons le fait d'être trompé. Le mensonge vient ébranler et en même temps révéler ce qui est le tissu même de l'intimité, non pas un aspect secondaire de l'intimité, comme si l'intimité était d'abord relation entre les corps, et puis ensuite partage d'une certaine vérité et refus d'être trompé par l'autre, mais le fondement même de l'intimité qui repose précisément sur une sorte de pacte de vérité, en tout cas un pacte de non-mensonge, un pacte de non-tromperie, à la fois sur tel ou tel événement majeur, et surtout sur la relation elle-même. C'est pourquoi certains mensonges, qu'on appelle des tromperies, comme dans les relations amoureuses, sont au sens strict des trahisons, et même ce que j'appellerais pour ma part des violations, elles ébranlent le fondement même de l'intimité, ce qui la rend possible, qui va encore plus loin que ce qu'on appelle, parfois d'un terme un peu vague, mais malgré tout fondamental, la confiance. Bien sûr, le mensonge vient toujours ébranler la confiance, qu'il s'agisse dans les relations les plus ordinaires, l'amitié, et dans les relations politiques avec les hommes politiques. Mais aux deux extrêmes, dans la propagande politique et dans l'ébranlement même de l'intimité, l'intimité amoureuse, l'intimité parentale, l'intimité familiale, l'intimité qui constitue ces sujets, qui n'en est pas une faculté secondaire, mais qui les rend possibles dans leur vie même, alors on sent que certains mensonges, qui sont des trahisons ou des violations majeures, rendent non seulement ces relations, mais peut-être les subjectivités même de ces relations impossibles ou fragilisé. Nous ne pouvons plus faire confiance à certains autres et d'une certaine façon à nous-mêmes. C'est l'image de nous-mêmes qui est ébranlée par certains mensonges. Alors peut-être s'agit-il de mensonges extrêmes, de mensonges encore une fois sur la nature de la relation. L'intimité est compatible avec le secret, comme le montrait par exemple Anne Dufourmentel dans Défense du secret. L'intimité n'est pas le devoir de tout se dire, d'un devoir totalitaire de transparence absolue, mais il y a en effet, certains mensonges qui nous révèlent aussi ce que nous sommes dans nos relations les plus intimes.